ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « Pourquoi la guerre » lorsque Freud et Einstein échangeaient sur la paix. Einstein était résolument en faveur de la paix. Il n'était pas seulement résolument en faveur de la paix, il était très actif pendant toute sa vie, depuis 1914, dans le mouvement contre la guerre. Il était beaucoup plus intéressé à abolir la guerre que dans la paix. Il ne luttait pas pour la paix, il luttait contre la guerre. Otto Nathan, un ami d'Einstein et auteur du livre « Einstein on Peace » au micro de Wilfrid Lemoine à l'émission « Partage du matin » en 1962. Albert Einstein, dont les travaux sur la théorie de la relativité auront permis aux Américains de développer la bombe atomique, était donc un homme de paix, un opposant farouche à la guerre. Et ce géant du 20e siècle va échanger par correspondance avec un autre géant du 20e siècle, Sigmund Freud, autour du thème de la paix, justement, à l'été de 1932. Cette correspondance va devenir célèbre. Elle sera publiée en 1933 et aura pour titre « Pourquoi la guerre ?» Il n'a jamais su qu'on avait réussi aux États-Unis à produire une bombe. Il n'a jamais su que tout le monde considérait de l'user sur le Japon. On ne lui a jamais dit « Le secret de la bombe était parfait ». Il n'en savait pas plus que vous et moi. Si bien qu'Einstein ne pouvait pas avoir mauvaise conscience de l'utilisation qu'on a pu faire de ses découvertes. Non, il n'avait pas une mauvaise conscience. Il a regretté que son œuvre scientifique et sa lettre à Roosevelt a prouvé le chemin aux bombes. Il l'a regretté. Il était ce qu'on dit en anglais « uneasy ». Mais il n'avait pas une mauvaise conscience parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait en bonne conscience. Il savait pourquoi il a fait. Il n'avait pas fait pour faciliter aux États-Unis de tomber une bombe sur le Japon. À nouveau, Otto Nathan à l'émission Partage du matin en 1962, Einstein et Freud qui échangent autour de cette grande question. Imaginez un peu ce que ça peut donner. Pourquoi la guerre? Pour nous parler de cette correspondance qui va être publiée en 1933, mon invité est Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. L'image est forte, de fait, Carl Bouchard. Einstein et Freud, deux géants du 20e siècle, je le disais, qui se mettent à écrire, à causer de paix et de guerre dans le monde. Qu'est-ce qui fait que cet échange-là, il n'y aura que deux lettres, il faut le dire tout de suite, qu'est-ce qui fait que cet échange entre ces deux hommes sur cette question est aujourd'hui encore si intéressant et si pertinent? Oui, ben, il est pertinent par la puissance déjà des deux personnages. Vous l'avez dit, si on demande aux gens, nommez-moi deux grands personnages scientifiques au 20e siècle, il y a des bonnes chances que dans les 10 premiers, il y ait Freud et Einstein. Donc déjà, ce sont deux monstres qu'on va mettre en contact, qu'on met en relation sur une question qui hante les sociétés de l'époque et qui hantent encore nos sociétés aujourd'hui. Donc ce texte-là, il a une valeur historique, il a aussi une valeur plus universelle. Il y a quelques mois, il y a exactement un an, on a connu les attentats à Paris. J'ai regardé dans les journaux de l'époque, on renvoie encore à ce texte de Freud et Einstein pour essayer de comprendre la haine, la guerre, les pulsions à travers ce texte. On est dans l'humain, bien sûr, particulièrement avec Freud, mais les deux, au fond, sont dans le questionnement humain. On est dans la philosophie, carrément. Oui, exactement. C'est une question qui est philosophique, c'est aussi une question qui est politique, c'est une question qui est morale. On est à plusieurs niveaux quand on parle de guerre et paix, et c'est pourquoi quand on a ces deux hommes-là qui ont une telle envergure et qui se questionnent comme les gens ordinaires, comme monsieur et madame tout le monde, sur qu'est-ce que c'est que la guerre, qu'est-ce que c'est que la paix, il va forcément ressortir quelque chose de très puissant. Ils en sont où, ces deux grandes figures du 20e siècle, au moment où ils se prêtent à cet exercice de correspondre autour du thème de la guerre? On est donc à l'été 1932. Ouais. Commençons par Einstein. Où en est-il dans son parcours? Oui, ben Einstein a déjà obtenu le prix Nobel. C'est un homme connu à travers le monde, donc il voyage en permanence, il est en conférence un peu partout, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. Donc, son activité professionnelle côtoie aussi une activité militante. C'est quelqu'un qui s'est tout à fait investi dans le pacifisme. Donc, il est reconnu à plusieurs niveaux. Freud, de son côté, a déjà développé la première partie de sa théorie psychanalytique, qui est sur la conscience, l'inconscience. Depuis quelques années, il travaille davantage sur une méta-psychanalyse. Donc, il travaille davantage sur la société. Il a publié des ouvrages sur le malaise dans la civilisation, sur la religion, sur Moïse. Il a écrit des textes sur Woodrow Wilson. On en a déjà parlé après la Première Guerre mondiale. Donc, il s'intéresse davantage aux phénomènes de société, tout en essayant d'adapter ou de comprendre sa théorie à la lumière donc de développement de l'actualité. Et comment, Karl Bouchard, comment naît cette idée de correspondance entre ces deux hommes, Einstein et Freud, qui donnera ce texte « Pourquoi la guerre ?» Elle naît d'une initiative de la Société des Nations, en fait, d'une institution de la Société des Nations. La société comporte différentes commissions. Il y a une commission. C'est un peu l'enceinte de l'ONU, la Société des Nations. Tout à fait, la première organisation internationale qui est fondée après la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a dans la Société des Nations plusieurs commissions, dont une qui s'intéresse à la coopération intellectuelle. Et à l'intérieur de cette commission, il y a un institut international de coopération intellectuelle qui sera l'ancêtre de l'UNESCO, en fait. Et l'institut a cette idée, au début des années 30, de faire correspondre des grandes personnalités du monde sur des sujets actuels et des sujets qui préoccupent la SDN. Et c'est le cas, donc on fait appel à Einstein, un des tout premiers qui est invité à participer. Alors on lui dit, vous pourrez parler du sujet que vous voulez avec la personne de votre choix. Mm-hmm. Et c'est Einstein qui choisit de correspondre avec Freud. Pourquoi sur ce sujet. Choisit-il Freud? Je pense qu'il choisit Freud parce que, et on le verra peut-être tout à l'heure sur son propre questionnement, Einstein est un homme de raison, un homme de science, et il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre, et pour lui, la question de la paix arrive à ce point qu'elle est aussi une question de psychologie, du fort intérieur, de l'humain en tant que tel. Et je pense qu'il a besoin d'aide. Il est désarmé, Einstein. Physicien Exactement. Se rend compte qu'il est à bout de ressources devant ce phénomène qu'est la guerre. Voilà. Il se dit, écrivons donc à celui qui joue dans la tête du monde. Exactement, dans le tréfonds de la pensée humaine. Ouais. Parce que Einstein est devant une impasse. Comment les hommes peuvent-ils encore tolérer la guerre? Et rationnellement, Einstein n'arrive pas à le comprendre. Ouais. Et donc, il se dit, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose qui détermine cette action, ce comportement qui est si terrible. Et il faut que j'aille voir le spécialiste, le seul spécialiste qui peut répondre à ma question. Freud, au départ, n'est pas très chaud, n'est pas enchanté de cette invitation-là. Freud n'est pas enchanté parce que il n'a pas une très haute estime d'Einstein. Ils se sont déjà rencontrés. Ils se sont déjà rencontrés. C'est pas quelqu'un qu'il considère particulièrement intéressant. Et il n'est pas très intéressé parce que c'est un jeu, je dirais peut-être un peu trop populaire, un peu trop vulgarisateur. Et donc, il a besoin d'un autre type de public cible. Mais il finit par se prendre au jeu. Il finit par se prendre au jeu parce que, et on le verra quand on parlera plus précisément de son texte, c'est que son propos corrobore sa théorie. Ouais. Et c'est pourquoi ça devient intéressant pour lui d'en parler. En fait, c'est un bon test. Il peut, par cet exercice-là, vous le disiez, il est un peu plus dans le social depuis quelques années, plus uniquement centré sur l'individu. Puis là, il se dit, quel beau terrain de jeu, je peux tester mes propres théories de psychanalyse par rapport à la guerre, à ce que ça veut dire pour une société. Exactement. Ce qui rend l'échange aussi intéressant, bien sûr, c'est deux scientifiques, mais sciences pures, sciences humaines, qui s'affrontent. Et puis, surtout, deux perspectives complètement, mais vraiment fondamentalement différentes entre les deux hommes. Ils ne s'intéressent même pas à la même chose, ces deux Exactement. Hommes. Exactement. Einstein, ce qui le préoccupe, c'est la paix. Et c'est ce raisonnement, comment on va faire pour établir la paix. Freud, ce qui l'intéresse, c'est moins la paix que le malheur, c'est la guerre. Ouais. C'est un homme la qui travaille... Exactement. Et c'est un homme qui travaille sur les problèmes humains. Et donc, ce qui l'intéresse, lui, c'est pourquoi on a la guerre. Donc, d'où notre titre entre l'échange sur la paix et pourquoi la guerre. C'est que pour Freud, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stimulant comme chercheur de s'intéresser aux causes de la guerre. Pour Einstein, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut faire pour établir la paix. Mm-hmm. On est sur deux plans ici, deux niveaux différents. Un autre élément qui rend cet échange intéressant, c'est le contexte. Mm-hmm. C'est presque, quand on y repense avec le recul, c'est presque surréaliste. Ça se passe, cet échange-là, en 1932, à l'été 1932. Ouais. 1933, Hitler frappe à la porte du pouvoir en Allemagne. Vraiment, il y a un paradoxe formidable. C'est terrible. En fait, c'est ce qui rend aussi le texte aussi intéressant. On est donc en 1932. Depuis 1929, il y a une crise économique qui a frappé les États-Unis, qui frappe l'Europe de plein fouet. Les deux pays d'où sont originaires Einstein et Freud, l'Autriche, respectivement l'Allemagne et l'Autriche, sont en crise, mais ce sont les pays les plus touchés par la crise économique. Dans les deux, la spirale de l'extrémisme politique est lancée. Donc, on est vraiment dans un contexte très difficile. La SDN est déjà extrêmement fragile, la Société des Nations. L'année auparavant, le Japon a envahi la Mandchourie, va quitter la Société des Nations. On a les fascistes en Italie. Il y a tout un pan politique qui revendique la guerre, comme un acte viril, un acte héroïque, un acte de survie pour la nation. Et puis, de l'autre côté, on a ces deux hommes qui correspondent sur la guerre et la paix. Et puis, il y a des tentatives. Vous parlez de la Société des Nations. On mise beaucoup, les optimistes, les pacifistes, Einstein, mise beaucoup sur une grande conférence, sur la limitation de l'armement. Des armements. Oui, ouais. Ça se passe. En fait, la conférence ouvre quelques semaines après le début de cette correspondance. Donc, en septembre 1932, c'est une conférence qu'on prévoit depuis des années. La SDN a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est un peu la conférence de la dernière chance. Ça fait des années qu'on parle de désarmement, qu'il faut désarmer physiquement les nations, donc l'armement concret. Et puis, l'œuvre de l'Institut de coopération intellectuelle, c'est une œuvre de désarmement moral. Donc, l'objectif, c'est de désarmer les esprits, essayer de convaincre les peuples de se rapprocher, travailler à l'éducation, aux échanges intellectuels. La conférence sur le désarmement, elle s'ouvre en septembre 32 et dès le départ, c'est le dérapage. Mmh. On s'aperçoit, en fait, que assez rapidement, que, aucun État ne veut désarmer. Et dans ce contexte, cette atmosphère très, très sombre, la conférence va assez rapidement s'enliser. Elle ouvre en septembre. En janvier, Hitler arrive au pouvoir. Ouais. Et elle va se terminer dans l'indifférence générale. Et c'est un premier point, la foi ou non dans ces grandes institutions internationales, puis au-delà de ça, dans la bonne volonté des hommes, finalement, c'est un premier point de divergence profond entre Einstein et Freud. On écoute d'abord Einstein, une entrevue qu'il accorde le 28 mai 1940. Il répond à la question suivante. L'homme, la nature humaine, en fait, plus précisément, peut-elle mettre fin à la guerre? I believe nothing else can. Just as we use our reason to build a dam to hold a river in check, we must now build institutions to restrain the fears and suspicions and greed which move people. Je crois qu'elle seule peut le faire. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela, mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Alors Einstein, Karl Bouchard, il croit, on l'entend, à la force des institutions, à la bonne volonté des hommes, quand il décide justement d'être de bonne volonté. Il est clairement du côté optimiste des choses. Oui, ce qui est fascinant avec cet extrait, c'est qu'on voit qu'il le reste, puisque cet extrait date d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, dans les années 30, on va le voir, parle des institutions, parle de la Société des Nations, de la raison, et qui, dans les années 50, parle encore des institutions et de la raison. Donc, il y aurait une force contraignante. Exactement. C'est important. Exactement. Pour qu'on puisse dire à tel chef d'État, non, on ne vous permettra pas de faire la guerre. C'est tout l'objet des discussions à partir de la Première Guerre mondiale. Est-ce que la Société des Nations doit être doté d'un bras armé pour être capable de faire respecter ses décisions. Et on n'y parvient pas pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est un sujet qui va revenir après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on y vient, on ouvre l'enveloppe. À quoi ressemble ce fameux échange? La première lettre, c'est Einstein qui l'écrit à Freud. Ouais, qu'est-ce qu'il lui dit? Einstein expose le problème, en fait. Son objectif, c'est... donc, on a déjà là quelqu'un qui milite pour la paix, on a un pacifiste, on a un internationaliste qui a été, pendant une partie de sa vie, apatride, qui a même refusé la citoyenneté allemande pendant la Première Guerre mondiale, qui se dit, il le dit à Freud, il est affranchi des préjugés nationaux. C'est quelqu'un qui, pour lui, ne pense pas en termes de frontières. Et donc, son texte, c'est celui d'un scientifique pacifiste, qui peine à comprendre pourquoi la guerre existe encore. Donc, et ce qui le trouble davantage, c'est qu'il y a une solution, à son avis. Il y a une solution technique. La solution technique, c'est une institution, on l'a dit. Alors, à partir de ce premier constat, Einstein dit, on a l'institution, on a une solution parfaite, et pourtant, on n'arrive pas à la mettre en forme. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Et comment on peut poser le problème? Alors, Einstein va dire donc à Freud, il va poser l'hypothèse qu'il y a des forces qui empêchent les hommes de parvenir à la paix. Alors, quelles sont ces forces? Il en voit deux, en fait. D'une part, l'appétit du pouvoir. Oui. Donc, il nous dit, on le sait très bien que ce qui va permettre d'établir la paix, c'est quand les États cesseront d'être souverains eux-mêmes. Et donc, la souveraineté sera transmise à un État supérieur à eux. Mais Einstein, là-dessus, est très lucide. Il sait très bien que les États ne voudront jamais perdre leur pouvoir. Donc, déjà, il y a une question de pouvoir, d'appétit de pouvoir. L'autre raison qu'Einstein évoque, c'est la question des profiteurs de guerre. C'est un sujet qui est de l'avant depuis déjà la Première Guerre mondiale. Il y a des gens pour qui la guerre est profitable. On peut faire de l'argent avec la guerre, on peut faire de l'argent avec les armements, et ces gens sont proches du pouvoir. Mais une poignée d'hommes, et ça, ça l'amène à sa deuxième grande question, qui au fond est la grande question. Il posera trois questions à Freud dans sa lettre, mais la grande question qu'il lui pose, c'est considérant que cette fameuse guerre ne profite qu'à quelques-uns, pourquoi nous, peuple du monde, n'y mettons-nous pas fin, en fait? Oui. Pourquoi la masse des peuples n'arrête pas la guerre? Et en fait, c'est ça, ça. Et c'est là qu'il a un blocage. C'est qu'il se dit, là, je peux plus répondre. Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à Freud. Là, on va chercher des choses qui sont hors de mon entendement. Et donc, c'est à partir de là que Einstein va poser, en fait, trois questions à Freud. Est-ce qu'on pourra jamais libérer l'humanité de la guerre? Est-ce que c'est possible de le faire? Comment est-ce possible que les peuples adhèrent encore à l'idée d'une guerre, alors que ce sont les principales victimes des conflits? On l'a bien vu pendant la Première Guerre mondiale. Et est-ce qu'il est possible de modifier psychiquement les humains pour qu'ils cessent de faire la guerre. Mm-hmm. Donc, trois questions, et là, c'est des questions qui sont exactement dans le champ de spécialisation de Freud. Grosse commande pour ami Sigmund Freud. Qu'est-ce qu'il répond, Einstein? Qu'est-ce qu'il répond, Einstein? Il répond un texte beaucoup plus long. Il amène Freud, mais carrément, dans son champ d'expertise. Oui, exactement. Et Freud, au début, se permet quelques petites piques en disant, bon, ben là, vous me posez des questions qui me troublent un peu. Bon, il y a des petits échanges là, cordiaux en me disant, ben, vous avez déjà répondu une partie, vous avez parlé de psychologie, donc là, il y a des échanges de politesse, mais ce que veut Freud, ce qui intéresse Freud, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas tant la paix. Mm-hmm. Et pour lui, Einstein est quelqu'un d'assez naïf de croire qu'on va instaurer la paix. Ce qui l'intéresse, c'est la guerre, et c'est pourquoi cet échange lui apparaît intéressant. Il a passé sa vie entière à parler des conflits intérieurs, à parler du mal-être, à parler des tensions qui existent au plus profond de nous, et là, il a l'occasion d'appliquer à la société, à la masse, à la planète, sa propre théorie de la psychanalyse. Ouais. Et donc, il prend la balle au bon et il s'en sert pour faire un récapitulatif, en fait, de sa théorie. De l'utilisation aussi qu'ont fait les hommes de la guerre jusque-là. Ouais. Et là où on n'a pas la réaction d'Einstein, mais qui a dû être horrifié en lisant le texte de Freud, parce que Freud va dire, elle est même utile, la guerre. C'est parfois même un mode de résolution de conflits humains. Oui, absolument. Ce qu'il va faire dans les premières pages, bon, ce sont des premières pages extrêmement résumées. C'est des thèses très larges. Il embrasse très, très large. Quelquefois un peu trop large, certainement, mais Freud se permet de revenir au début de l'humanité et essayer de comprendre l'origine de la violence. Mm-hmm. C'est d'ailleurs intéressant, il va dire à Einstein, vous parlez de guerre, moi je vais parler de violence, je vais utiliser le terme de violence. Et donc, il ramène aussi au conflit interindividuel. Donc, son objectif, c'est pas tant, dans un premier temps, de parler de la paix mondiale, mais de voir pourquoi, entre les individus, il y a de la violence et pourquoi il y a de la violence dans la société. Et donc, là, il embrasse très, très large. Il fait une grande théorie sur la naissance de la violence et des conflits dans les sociétés. Il va reprendre un peu des théories qui circulent à l'époque, par exemple celle de Max Weber sur la violence légitime, l'État qui prend le contrôle de la violence pour calmer les conflits. Mais effectivement, pour Freud, il existe de bonnes guerres comme il existe de bons conflits. Ouais. Par exemple, si une société est dominée par un tyran, elle est en droit de se révolter par la violence pour amener la paix. Donc, il peut y avoir des guerres pour la paix. Et c'est clair qu'Einstein a dû frémir à lire ce passage-là parce que c'est une pique à l'endroit des pacifistes. Mm-hmm. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il y a très peu de pacifistes absolus. Il y a très peu de gens qui considèrent qu'on ne doit jamais faire la guerre. Ouais. Et même les promoteurs de la paix vont dire, par moment, la guerre est nécessaire. Et par moment, la guerre peut être juste. Mais là où le texte de Freud devient vraiment le plus intéressant, c'est quand il se rapproche encore plus de son champ d'analyse, quand il parle de la nature humaine et qu'il associe la guerre à la nature humaine. Écoutez là-dessus le philosophe français André Glucksmann à l'émission Actuelle en 1985. Ce que nous apprend Freud, c'est d'abord que les hommes ne sont pas nés en train de s'entendre, que la première chose que voit l'enfant, y compris s'il l'imagine, peu importe qu'il le voit en réalité ou pas, c'est la scène primitive, c'est-à-dire la dévoration de ses parents. C'est que ses parents ne s'entendent pas. C'est la première chose que l'enfant voit, même si c'est une illusion, même si les parents s'entendent très bien. La possibilité d'une mésentente, la possibilité d'une guerre, la possibilité d'une dévoration réciproque, c'est ça la scène primitive, et c'est à partir de ça que Freud pense. Et en conséquence, si on s'en tient à cette idée-là profonde, donc Freud disait, au fond, la guerre, elle est première, elle existe. Ce que nous pouvons tenter, c'est de la modérer. La paix ne sera jamais que la guerre retenue, que la guerre entravée, que la guerre dissuadée, mais la paix ne sera pas un monde sans possibilité de guerre. C'est pour ça que je pense que Freud n'aurait jamais eu l'idée d'être pacifiste. C'est fascinant. On reconnaît bien Freud dans ce qu'on vient d'entendre. C'est une pulsion humaine. Ça fait partie de la nature humaine, cette volonté des hommes de faire la guerre. Oui. Et là, clairement, il est Freud du côté de la fatalité. C'est une lecture fataliste, oui, qui l'oppose à l'optimisme du pacifiste Einstein. À l'optimisme qu'il doit considérer comme un optimisme béat. Un fatalisme parce que, et c'est tout à fait dans la théorie de Freud, il y a en nous cet instinct de mort, cet instinct de destruction, on ne peut pas complètement l'éliminer de notre corps. L'éliminer de notre corps, l'éliminer de nous, c'est créer d'autres déséquilibres par ailleurs. Mmh. Et donc, c'est impossible. Puisque les humains ont ça en eux, les sociétés, forcément, ont ça en elles également. Ouais. Et il va encore plus loin. Ouais. Là encore, j'imagine le pauvre Einstein. Il dit, il essaie d'expliquer pourquoi les hommes s'entêtent à vouloir se faire croire que la guerre est évitable. Oui, on s'y entête, et là on sent que Freud va aussi chercher des choses en lui. Il dit on s'y entête pour deux raisons. La première, c'est que la guerre est horrible. Donc, on a beau avoir ça en nous, on sait que c'est horrible. Et là, il y a un passage très fort, un genre de cri du cœur. Je peux le citer, il dit « Parce que tout homme a droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses, place l'individu dans des situations qui le déshonorent, le force à tuer son prochain contre sa propre volonté. » Donc, on sent là que Freud est tout à fait conscient de l'aspect terrible de la guerre. Donc, il y a une moralité en nous qui nous pousse à ne pas vouloir la guerre. L'autre raison, c'est une raison culturelle. Et là, on est tout à fait dans la théorie de Freud. Depuis quelques années, il s'intéresse aussi à la civilisation, au malaise de la civilisation. Et il nous dit, plus on progresse, plus les humains contrôlent leur instinct et veulent contrôler leur corps, le sang-froid, le contrôle de soi. Et donc, au niveau culturel, on commence à détester la guerre parce que c'est un signe de nos pulsions. À ne pas vivre ses pulsions, contrôler ses pulsions, c'est donc commencer à détester la guerre. Ouais. Et donc, il y a une raison morale, il y a une raison culturelle. Et Freud termine son texte, de façon un petit peu rapide peut-être, mais il termine son texte en disant, dans le fond, la seule solution qu'on a, c'est la culture. Ouais. Il faut que la société, il faut que la civilisation progresse, il faut l'éducation, que la culture progresse. La culture. Voilà. Éducation, culture, pour qu'on puisse, si possible, retarder le plus longtemps possible l'avènement d'une guerre, sans jamais pouvoir les arrêter. Carl Bouchard, historien à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Je vous en prie. À la prochaine. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.